lundi 28 novembre. Ici Dominique Lelièvre et les informations. Près de 1000 militaires canadiens ont déclaré avoir subi une agression sexuelle dans la dernière année. C'est 1,7% des effectifs des forces canadiennes, un pourcentage significativement plus élevé que dans la population en général. Selon ce que rapporte Statistique Canada dans un sondage publié aujourd'hui, les femmes sont 4 fois plus nombreuses que les hommes à rapporter de tels faits dans les forces armées canadiennes. Et 4 membres sur 5 rapportent également avoir vu, entendu ou vécu des comportements sexuels discriminatoires. Cette enquête fait suite au rapport Deschamps qui avait décrit, il y a un an et demi, une culture hostile à l'égard des femmes et des minorités sexuelles dans les forces armées canadiennes. Cette enquête est une première étape en vue d'établir un plan d'action pour mettre un terme à cette situation. Aux États-Unis, un tireur a semé la panique sur le campus de l'Université Ohio State à Columbus. Le tireur a blessé 8 personnes avant d'être abattu par les policiers. On ne connaît pas encore la gravité des blessures des victimes. Il s'agit en tout cas de l'une des plus grandes universités des États-Unis, avec 60 000 étudiants dans son campus principal seulement. On ne dispose encore d'aucune information sur l'identité du tueur ou bien de ses motivations. À Québec, le prix des loyers serait le plus élevé de toute la province. Il en coûtait en moyenne 780 $ par mois en octobre, selon les chiffres de la Société canadienne d'hypothèque et de logement, des chiffres rapportés par le Journal de Québec. 780 $ par mois à Québec en octobre, eh bien c'est 50 $ de plus que la moyenne provinciale qui est établie à 626 $ et c'est même une vingtaine de dollars de plus que ce qui est observé à Montréal. Et depuis un an, le prix des logements a cru de près de 3 % à Québec contre 1,5 % dans le reste de la province, mais la situation pourrait se rétablir alors que le taux d'inoccupation des logements a bondi de 23 % sur la même période. Enfin, les cas de tricherie seraient en augmentation à l'Université Laval. Ces 5 dernières années, le nombre d'infractions a quadruplé, selon les chiffres obtenus par le Journal de Québec. La secrétaire générale de l'Université Laval explique que cette hausse ne signifie pas nécessairement que les étudiants sont plus nombreux à plagier. Elle mentionne que l'université a sensibilisé davantage son personnel, ce qui a pu inciter plus d'enseignants à dénoncer. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Une alternance de soleil et de nuages avec 3 degrés, c'est ce qui est prévu pour cet après-midi. Ce soir et cette nuit, quelques nuages, minimum moins 5. Demain, mardi, ennuagement, neige débutant en mi-journée, accumulation de 2 à 4 cm et risque de pluie verglaçante tard le matin. Il y aura également demain des vents du nord-est de 30 km/h avec des rafales à 50 et on aura un maximum de 0. Présentement à Québec, il fait 2 degrés.